T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Boston. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, Planète Indie, ça commence maintenant. C'est aujourd'hui l'épisode numéro 358. Bienvenue à vous. Alors aujourd'hui, on a de la chance. Le soleil est là. Oui, il y a un grand soleil. Les températures sont 5 degrés au-dessus des normales de saison. Donc, tout est au rendez-vous pour passer un bon moment ensemble et en fait, on va laisser la magie de la musique faire encore une fois effet, si vous le voulez bien. On aura bien entendu plein de nouveautés à vous proposer musicalement parlant. On fera un petit topo aussi sur le Luxembourg City Film Festival puisqu'il se termine demain. On en a parlé longuement le mois dernier. J'ai eu l'occasion d'aller voir quelques bonnes choses. Je vous en parlerai un petit peu. Et puis, place à la musique avec le groupe The Armory et un morceau qui s'appelle Memory. Restez bien branchés. Nous sommes ensemble jusque 18h30, comme vous le savez si vous nous êtes fidèles. Every stone unturned, I feel. Voilà, on a sorti l'artillerie lourde dans ce début d'émission, puisque à l'instant c'était le groupe Raven Smallland, le nouveau projet de Bruce Morland, extrait de leur nouvel album. On écoutait le morceau Lord of Flies, donc ça pourrait se traduire par le seigneur de la mouche ou le seigneur des mouches. Et avant cela, c'était le groupe The Armory avec Memory. On va rester dans le monde animal, si vous le voulez bien, oui, et on va partir dans un pays qu'on n'a pas souvent l'occasion d'aller visiter. Je veux parler de la Colombie, puisqu'on a une nouveauté qui vient de là-bas. Le groupe s'appelle Follow a Favor, et le morceau s'appelle Girafe. Alors, c'est pour ça que je vous disais qu'on allait rester dans le monde animal. Je ne suis pas sûr que les girafes vivent vraiment en Colombie, mais eux, ils les font vivre à travers leurs chansons. Je vous rappelle leur nom, le nom du groupe, Follow a Favor, avec Girafe. Under my bed, waiting my foot on the floor. There's little rascals behind the door, trying to break it, trying to break it. Listen. Voilà, ça dépote encore et toujours en ce début d'émission avec à l'instant les Crumb Catcher et un morceau intitulé Dishwasher. Bah oui, ça doit se faire aussi la vaisselle. Hein. Avant cela, je vous rappelle, c'était les Colombiens de Fall Out Favor avec le morceau Les Girafes. D'ici quelques minutes, eh bien, nous partirons à la découverte de notre powerplay pour ce soir. On ira au Canada, voilà, je ne vous en dis pas plus. C'est un groupe qu'on a déjà entendu une fois ou deux dans l'émission, mais aujourd'hui, ils seront notre powerplay. Avant cela, une autre nouveauté, mais on les avait déjà écoutés le mois dernier, The Imperfection avec The Repanation. Oui, ça bouge pas mal, c'est un peu différent, mais ça bouge aussi. Uh-huh. Education explanation every day. Repanation, the repanation. Boy, you gotta ting what I wish so. I want you to feed my ego. Repanation, the repanation. Voters convinced by politicians. They do it for people, not their ambitions. Repanation, the repanation. She's thankful when you rape her. Rape a nation, the rape a nation. Rape, rape, rape a nation. Rape, rape, rape a nation. Rape, rape, rape a nation. Rape. Nation Everywhere, c'était le groupe The Imperfection. Partons à la découverte, si vous voulez bien, maintenant, de notre album Powerplay de ce soir. On va se diriger du côté du Canada pour aller découvrir le groupe Jubilee Riots. Alors, ils viennent de sortir, on va dire, leur premier album. Leur album s'appelle Penny Black. En tout cas, c'est le premier album sous le label ou le nom, l'étiquette Jubilee Riots, parce qu'ils ont toute une discographie précédemment avec leur ancien nom. Ils ont à peu près une dizaine d'albums qu'ils ont sortis sous leur ancien nom de Enter the Haggis. Voilà. Et puis ils ont trouvé que ce nom ne reflétait plus vraiment la musique qu'ils faisaient. C'est un peu de la musique pop, rock, avec des influences celtiques. Et donc ils ont décidé de changer leur nom en Jubilee Riots. Jubilee Riots, pour la petite histoire, ça fait référence aux émeutes qui ont eu lieu à Toronto, donc en 1875, pendant des pèlerinages religieux au cours de cette année jubilaire qui avait été déclarée telle par le pape Pie IX. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc Penny Black, leur premier album sous le nom de Jubilee Riots. Et on va en écouter un premier extrait qui s'appelle Unsteady. C'est l'histoire d'un couple qui continue à ignorer ses erreurs du passé et qui essaye de faire quelque chose de leur relation pour qu'elle ne soit plus si volatile. Et puis malgré les cicatrices et les douleurs qu'ils endurent et que leur histoire leur fait encourir, ils décident quand même de rester ensemble. On parlera un peu de la fabrication, de l'histoire de cet album, parce que c'est assez original. On en parlera tout à l'heure. On va écouter tout de suite ce morceau Unsteady. Je vous rappelle le nom, c'est Jubilee Riot. C'est notre Powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. Favorite scar. Maybe we can figure out. my favorite scar, tu es ma cicatrice préférée. Et puis il disait aussi, don't go breaking my heart before I'm ready. Ne brise pas mon cœur avant que je ne sois prêt pour cela. Bah oui, c'est jamais facile. Hein. C'était le groupe Jubilee Riots, pardon, cet extrait de l'album Penny Black qu'on écoutait. Le morceau Unsteady, c'est notre powerplay ce soir dans Planète India. Enfin, ce soir, il faut changer ses habitudes. On est au printemps, il fait encore clair. Donc, ça, en fait, cette fin d'après-midi dans Planète India. Voilà, on va poursuivre avec une nouveauté. Ils sont canadiens aussi, ils s'appellent Die, D-E-E. The Space Between Us, bah oui, l'espace qui se trouve entre nous. Oui, il est toujours trop grand, l'espace entre nous. Il ne devrait jamais être plus grand que la longueur de deux bras, par exemple. Voilà, dit avec The Space Between Us. Et puis après, on écoutera Classy Silhouette, I Wanna Kiss You, qu'on pourrait dédier à toutes celles qui veulent être embrassées. Voilà, trêve de plaisanterie et place à la musique. We'll be right back. je ne serais pas contre. Hein. I Wanna Kiss You. Elle s'appelle Classy Silhouette. Bon, elle est un peu loin, mais on ne sait jamais. Si vous avez l'impression de vivre un amour fou, eh bien le morceau suivant, il est pour vous. Il s'appelle Crazy Love. Bah oui, ça c'est logique. Et il est interprété par Del Rose. Je vous rappelle que vous écoutez Planet Indie. Nous sommes ensemble chaque premier samedi du mois de 17h à 18h30 pour vous faire découvrir le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Nous serons aussi rediffusés demain aux mêmes heures, 17h, 18h30 sur cette même fréquence. Et puis vous pourrez retrouver aussi le podcast de l'émission sur notre site internet. Il sera disponible très très bientôt, dès la fin de l'émission en principe. Donc voilà, allez, place à Del Rose et son amour fou, Crazy Love. Avec Del Rose et Crazy Love, et puis bien souvent un amour fou, ça vous donne envie parfois de courir, de prendre vos jambes à votre cou et de vous enfuir bien loin. Et bien voilà, vos souhaits sont exaucés avec Nama Kate et le morceau Run. ¶¶ only just begun. Don't forget we don't set with the sun. She taught me anything. She taught me how to run. She taught me anything. She taught me how to run. Run, elle m'a appris à courir, retenez bien son nom, elle s'appelle Naama Kate, c'est une charmante jeune femme blonde, et cet extrait de son album qui s'appelle Sold, voilà, apparemment ça fait rire aussi. Retour maintenant sur notre album Power Play, l'album de Jubilee Riot, c'est un album intitulé Penny Black. Je vous ai mis la vidéo officielle d'un morceau sur notre page Facebook, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la genèse de cet album qui était un peu original. Bah oui, Jubilee Riot pardon, s'appelait donc auparavant Enter the Haggis. Ils ont pas mal une longue expérience. Ils existent déjà depuis un sacré nombre d'années. Et donc, ils se sont construits une base de fans assez conséquente. Et alors, ils ont décidé pour ce nouvel album eh bien, de le dédier quelque part à leurs fans et de mettre leurs fans à contribution, puisqu'ils ont demandé à leurs fans de leur envoyer non pas des chansons, mais des idées, dans le sens où ils ont demandé à leurs fans de leur envoyer des histoires qu'ils avaient vécues. Et sur base de cela, eh bien, ils écriraient leur propre chanson. Il y avait juste une petite condition, non deux petites conditions, c'était assez original, c'est qu'ils devaient envoyer ça par courrier postal, donc ça devait être envoyé par postal et écrit à la main. Voilà, donc le résultat, ça donne un très bel album de 11 morceaux, dont on va en écouter un second extrait, et on va cette fois-ci se mettre dans le siège du président, littéralement dans les chaussures du président, puisque le morceau s'intitule President's Shoes. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. Il s'appelle Jubilee Riots et leur album c'est Penny Black. Powerplay. Powerplay. Sometimes history points to you and the crowd says, hey, come on, let's go. And sometimes you gotta break in the back door and make yourself at home. So I wander the halls like a comp on the beat, whistling the stars and stripes a little out of key. I stole the president's shoes. President's shoes. I stole the president's shoes. So tonight I'm going dancing. I just feel I gotta move. Tonight I'm going dancing. I just feel I gotta move. Sometimes you gotta do what you gotta do. Don't be afraid to press your luck. Cause there's no turning back around or over under sideways through. Just lace them up. I heard the president's words get the rabble off the lawn. A thousand ears still ringing from the guns in Vietnam. I stole the president's shoes. I stole the president's shoes. I stole the president's shoes. Tonight I'm going dancing, I just feel I gotta move. Tonight I'm going dancing, I just feel I gotta move, move, move. Wake up with a grin upon my face. Put my feet up on the table and open up the paper to the page. Cause I don't care if they catch me, I'll confess to what I've done. The FBI can ring my doorbell, no I'm not gonna run. I stole the president's shoes. President's shoes. I stole the president's shoes. So tonight I'm going dancing. I just feel I gotta move. Tonight I'm going dancing. I just feel I gotta move, move, move, move, move, move. College at Eastern State. I married my wife when the law came down. We had us a boy and we stayed in this town. Took work at a mill back in 95. There was nothing in my mind but to stay alive. welfare life that I heard on the news today. Some man in New York is trying to make us pay. My little girl's got a life to live, and I'll be damned if I can't give hot food on a plate and a future that. Gun in my hand, I gotta take back what's owed to me. Oh, you can't eat a guarantee. Losing your dreams is a bitter pill. Dreams don't matter when there's mouths to fill. Giving up on your dreams is a bitter pill. From Underwhelmed, and you're listening to Planet Indie. Riding with Elvis in a battered blue pickup truck, rapping about how lately we've done a lady look. Talk of the weather and all of them dying whales, failing erections, dropping record sales. You could call me on the telephone, leave me a note on that hollis tone. Try just about anything, honey, but please don't leave me alone. Downtown bar, she says the touch of your fingers would carry you far. Well, I see you reckon. Well, let me put it like this. Won't you come and find for yourself, like home in the days? You could call me on a telephone, or leave me a note on a harvest home. Try just about anything, honey. Don't leave me alone. And I know this really makes sense. I'm losing my touch with present tense. I got no sense of time. Might we stay all downtime? Reality don't seem like a friend. Just leave me close. C'était le Romantic Manifesto avec Made to Fall. Avant cela, le tout nouveau single du groupe suédois les Plastic Pals, Riding with Elvis. Et puis encore avant, c'était le Porter Draw et Bitter Pill. Quelques petits mots encore sur la programmation du Luxembourg City Film Festival. J'ai assisté à quelques projections cette semaine et j'ai vu pas mal de bonnes choses. Je vous avais parlé le mois dernier de la programmation documentaire parce qu'elle m'avait semblé très très intéressante. Alors j'ai notamment été voir Pixadores, le Joe Show, War of Lies, le très intéressant documentaire Black Harvest sur la ruée vers l'or noir au Dakota du Nord. Et puis au niveau de la programmation des films, eh bien, j'ai vu notamment le film Test. Alors là c'était assez épatant, c'était un film russe qui durait à peu près 1h40 et sans dialogue. Sans dialogue, il y avait du son, de la musique, des bruitages, mais pas de dialogue. Et c'était un film magnifique. La salle était debout à la fin, applaudissait tellement ce film était beau. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, eh bien, n'hésitez pas, il vaut vraiment la peine. Au niveau de ce soir, il y a encore moyen d'aller voir certaines choses. Bon, à 19h, c'est Baby Alone, mais c'est une projection privée, donc si vous n'avez pas de ticket, c'est pas la peine. 21h, un film japonais, un film policier qui s'appelle Kawaki, The World of Kanako. Ça se passe à l'Utopia. Et puis à la Cinémathèque, à 19h, Refugiado. Et à 21h, 52 Tuesdays. Voilà, sinon, vous devrez attendre l'année prochaine. Ah oui, il y a encore une programmation demain dimanche. C'est fort orienté vers les enfants, avec pas mal de dessins animés. Et puis, à 16h, ils rediffuseront le gagnant du prix de la critique. À 18h30, le prix du documentaire. Et à 20h30, le grand prix. Voilà, toutes les informations sur le site luxfilmfest.com. Point élu. On poursuit en musique, on est un peu à l'arrache ce soir, il y a pas mal de choses à signaler. avec le groupe de Headlocks. Vous le savez peut-être, demain c'est le 8 mars, et le 8 mars c'est la journée de la femme. Donc on va dédier ce morceau à toutes les femmes qui devraient, si tout allait bien dans le monde, recevoir des roses, en tout cas au moins ce jour-là. Les Headlocks, eh bien, ils le font en février. February Roses, bah oui, on espère qu'elles ne seront pas fanées, mais les roses de février, eh bien, il n'y a rien de mieux. Allez, on leur laisse la parole, et puis tout de suite après, retour sur l'album de Jubilee Riots. February Roses, les roses de février dédiées à toutes les femmes en cette veille de journée de la femme. Voilà, retour sur notre album Powerplay, il est 18h10, donc il est grand temps de retourner voir ce qui se passe là-bas. Je vous avais dit tout à l'heure que les Jubilee Riots avaient demandé à leurs fans de leur envoyer des lettres manuscrites par la poste en leur demandant de raconter leur joie, leur peine, les moments qui ont marqué leur vie. Ça a été un franc succès, on doit dire qu'ils ont reçu des lettres non seulement du Canada, mais aussi du Japon, d'Australie, enfin d'un peu partout dans le monde. Et ils ont eu plus de 900 pages d'histoire. Allez, vous vous rendez compte, 900 pages d'histoire, et ça a donné un album de 11 morceaux. Ils disent que certaines de ces histoires étaient sombres et anonymes, d'autres étaient difficiles à lire, mais la plupart étaient amusantes, voire embarrassantes. Enfin, ils disaient que ces histoires racontaient les événements qui se passent dans la vie de tout le monde. Et puis la conclusion, enfin la synthèse, la philosophie, on va dire, de toute cette histoire, c'est pas mes paroles, c'est les paroles de Brian Buchanan, c'est le compositeur du groupe. Il dit, eh bien, de toutes ces figures anonymes dans la foule, chacune d'entre elles, eh bien, la synthèse, c'est que chacun a sa bataille à faire et à gagner. Et chacun a ses histoires secrètes. Voilà. On va écouter un troisième morceau qui s'appelle Astray. Eh bien, il nous emmène en Russie, puisque c'est l'histoire d'un juif russe qui s'est échappé pendant une marche vers la mort. Et puis, il pensait que sa famille avait été tuée. Et il a seulement découvert 50 ans plus tard, eh bien, qu'ils avaient survécu et qu'ils vivaient leur propre vie sans rien savoir de son propre sort, lui non plus. Et puis, donc, ils se sont retrouvés au bout de 50 ans. Astray, cet extrait de l'album Penny Black du groupe canadien Jubilee Riot. C'est notre power play ce soir dans Planète Indie. Power play. Power play. Jusqu'au bout, Jubilee Riot, Astray, extrait de leur album Penny Black. On vous a mis une vidéo extrait de cet album sur la page Facebook. Depuis le mois dernier, depuis notre dernière émission, eh bien, on a malheureusement dû enregistrer le décès de Steve Strange. Steve Strange, c'était le chanteur du groupe Visage, bien connu des amateurs de New Wave des années 80 avec le morceau Fade to Grey. Eh bien, ils avaient sorti il y a quelques mois un single. Ils essayaient de revenir sur le devant de la scène, un single qui s'appelle Dreamer I Know. On va vous le proposer en hommage à Steve Strange. Dreamer I Know, c'est la version radio de Visage. Lead a horse to water if you know it will not drink? And why watch the clock at all when it's later than you think? Why would you take a bite of food from a poison tree when what goes round comes back around just like Texas to its tea? What is the root of all evil? Is it squared or saved in banks? What are the words that fail you when you bow your head in thanks? Will the road go on forever if tomorrow never comes? And what about the child prodigies who dare not suck their thumbs? got questions, I know you got them too. I got questions, and that's all I need to get me through. Why can't I make the play to win me another game? And where are the fingers pointing when there ain't no one to blame? Why is my destination not my destiny? And why does it seem to work for you but makes no sense to me? I got questions, I know you got 'em too. I got questions, and that's all I need to get me through. I got questions, I know you got 'em too. I got questions, and that's all I need to get me through. Voilà, on est un peu serré par le temps ce soir, donc on va profiter de la fin de ce morceau pour vous annoncer la programmation de la Rockale d'ici la prochaine émission. Alors ce soir, c'est Cats on Trees, le 9 Aza. Le 12, vous verrez Chaka Pang. Notez que le concert du 13, le concert de YTT, est annulé. 14, Seed to Tree. Le 15, les Subways. Le 16, Yann Delay. Le 16, il y a aussi Joseph Salvat. Le 20, vous pourrez voir Pandora's Bliss. Le 21, Steven Wilson. Et le 22, vous pouvez applaudir la légende Spandau Ballet. Le 27, une autre légende, Lionel Richie. Le 27, il y aura aussi en même temps Bigger Ranks, oui. Le 1er avril, et c'est pas une blague, c'est le EP release du groupe Another From Above, et leur EP s'appelle Seasons. Le 3 avril, c'est la venue de Jeff Mills. Et puis le 4, c'est le EP release aussi de l'EP Carousel du groupe Twiz, et le 5, David Carrera. Voilà, c'est à peu près complet. On va écouter Bonefish, la version live, on n'entend pas beaucoup sur le morceau, je vous l'avoue, du morceau My Sweet Lord, cet extrait de leur nouvelle EP. My sweet Lord, I've been missing you. My sweet Lord, I've been missing you. I miss my father and I miss my mother. I miss my sister and my brother. My sweet Lord, I've been missing you. Oh, when the struggle is done and through, and I lost knowledge of all I knew, my whole life is soon complete. And the sight of paradise also sweet. My sweet Lord, I've been missing you. My sweet Lord, I've been missing you. I miss my father and I miss my mother. I miss my sister and my brother, my sweet Lord, my sweet Lord, I've been missing you. Jump by my bed and stand up right, 'cause I'll be dining with the Lord tonight. And when he serves me of his best wine, oh, I will thank him for you children of mine. Oh, my sweet Lord, my sweet Lord, I've been missing you. My sweet Lord, my sweet Lord, I've been missing you. I miss my father, I miss my mother, I miss my sister, my little brother, my sweet Lord, my sweet Lord, I've been missing you. I've been missing you. I've been missing you. Bien voilà, on arrive tout doucement au bout de la programmation de ce soir. J'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale. Vous pouvez retrouver cette émission rediffusée demain, dimanche 8 mars, entre 17h et 18h30. Et puis elle sera disponible en podcast sur le site de Planète Indie. Vous tapez Planète Indie dans Google et puis vous nous trouverez. On se quitte avec les New Madrids et un morceau intitulé Hey Christine. On se retrouve pour l'épisode numéro 359, le premier samedi du mois d'avril. Ce sera le 4 avril. D'ici là, passez un bon week-end, une bonne semaine, deux bonnes semaines. Et rendez-vous le 4 avril. Bonne soirée. Up in the morning, my head pounding the tightness, sit around my chest, raise the glass to the falling, took a drink from the bottle that was lying by my bed. Walked the dirt road in summertime, lost myself for a while when the sun was hanging low. Never found me no better time. Cursed myself in the day that I ever let go. And hey Christine, I'm finding out the hardest way to read, no doubt. My worn out heart is on its knees, faded out on this weather. Hurricane, our minds they were blown in the pouring summer rays. 'Cause I was into the medicine, and everything that we had, we just threw it all away. And hey Christine, I'm finding out the hardest way to wait, no doubt. My worn out heart is on its knees, faded hell on this weather sleeve. dead path, you let me down on my own. Never needed no help at all, 'cause I was blind, couldn't see that the fall lay within me. Now the road's yet to take me back to the place where we started at all. And hey Christine, I'm finding out the hardest way to rain, no doubt. My worn out heart is on its knees, fading out on this way of sleep. And hey Christine, I'm finding out the hardest way to rain, no doubt. My worn out heart is on its knees, fading out on this way.